entre la tragédie épique et la farce grotesque, trois autres poèmes pour rappeler la naissance de la glorieuse légende napoléonienne. Aux noirs événements, vous fuyez dans la nuit. L'empereur mort tomba sur l'empire détruit. Napoléon alla s'endormir sous le sol. Et les peuples alors, de l'un à l'autre pôle, oubliant le tyran, s'éprirent du héros. Les poètes, marquant au front les rois bourreaux, consolèrent, pensifs, cette gloire abattue. À la colonne veuve, on rendit sa statue. Quand on levait les yeux, on le voyait debout, au-dessus de Paris, serein, dominant tout, seul, le jour dans l'azur et la nuit dans les astres. Panthéon, on grava son nom sur vos pilastres. On ne regarda plus qu'un seul côté du temps. On ne se souvient plus que des jours éclatants. Cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. La justice, à l'œil froid, disparut sous sa gloire. On ne vit plus Kesling, Holm, Arcole, Austerlitz. Comme dans les tombeaux des Romains abolis, on se mit à fouiller dans ces rangs des années. Et vous applaudissiez, nations inclinées, chaque fois qu'on tirait de ce sol souverain, ou le consul de marbre, ou l'empereur d'airain. Le nom grandit quand l'homme tombe. Jamais rien de tel n'avait lui. Calme, il écoutait dans sa tombe la terre qui parlait de lui. La terre disait: la victoire a suivi cet homme en tout lieu. Jamais tu n'as vu sombre histoire, un passant plus prodigieux. Gloire au maître qui dort sous l'herbe, gloire à ce grand audacieux. Nous l'avons vu gravir, superbe, les premiers échelons des cieux. Il envoyait, âme acharnée, prenant Madrid, prenant Moscou, livré contre la destinée, tous les rêves de son esprit. À chaque instant, rentrant en lice, cet homme au gigantesque pas proposait quelque grand caprice à Dieu, qui n'y consentait pas. Il n'était presque plus un homme. Il disait, grave et rayonnant, en regardant fixement Rome, c'est moi qui règne maintenant. Il voulait, héros et symbole, pontife et roi, phare et volcan, faire du Louvre un Capitole et de Saint-Cloud un Vatican. César, il lui dit à Pompée, sois fier d'être mon lieutenant. On voyait luire son épée au fond d'un nuage tournant. Il voulait, dans les frénésies de ses vastes ambitions, faire devant ses fantaisies agenouiller les nations. Ainsi qu'en une urne profonde, mêler races, langues, esprits, répandre Paris sur le monde, enfermer le monde en Paris. Comme Cyrus dans Babylone, il voulait sous sa large main ne faire du monde qu'un trône et qu'un peuple du genre humain, et bâtir, malgré les huées, un tel empire sous son nom que Jéhovah dans les nuées fut jaloux de Napoléon. Enfin, mort triomphant, il vit sa délivrance, et l'océan rendit son cercueil à la France. L'homme, depuis 12 ans, sous le dôme doré reposait, par l'exil et par la mort sacrée, en paix. Quand on passait près du monument sombre, on se le figurait, couronne au front, dans l'ombre, dans son manteau semé d'abeilles d'or, muet, caché sous cette voûte où rien ne remuait. L'homme, qui trouvait la terre trop étroite, le sceptre en sa main gauche et l'épée en sa droite, à ses pieds, son grand aigle, ouvrant l'œil à demi, et l'on disait, c'est là qu'est César endormi. Laissant dans la clarté marcher l'immense ville, il dormait, confiant et tranquille.